Bonjour tout le monde, c'est Michel Monette au micro pour l'émission Le Grain de Sable, une émission entièrement musicale cette semaine, comme à toutes les deux semaines désormais. Demain, c'est le 8 mars. Si vous n'êtes pas de la planète Terre, si vous venez d'ailleurs dans le monde, dans le monde sidéral, le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Alors aujourd'hui, on va écouter que des voix de femmes et on va débuter avec trois chansons. Areski dans Patriarca, Carmen Maria Vega dans Papa, mais d'abord la magnifique chanson de Valère, Délit de femme. On déloque les lits des femmes, proclame leurs culottes criantes, leurs bouches et leurs faces béantes aux larmes des autres dames. On déloge nos lits infâmes, brûlant des fumantes nocturnes d'eau coulante de peau de dame sur l'étoile terne et distendue. Et c'est beau le cri des femmes qui râlent à l'aube au pas des portes, aux amants qu'elles chassent et qui emportent les heures mortes dans leur lit. Et c'est beau le son des ferrailles qui racle à l'aube les pas de portes des lits, dont on sait qu'ils emportent les heures mortes dans nos délits. Et même si ses jambes tremblent un peu et que ses cheveux s'en mêlent, elle se regarde et dans les yeux elle se dit qu'elle est vraiment belle. Elle rit à décrocher le ciel et tourne, tourne sur elle-même de cet amant qui laisse encore un léger parfum d'or. Même si ses mains tremblent un peu, si des larmes lui piquent les yeux, c'est qu'il s'étonne des merveilles et des peaux cachées sous les dentelles. Il court à dépasser la lune et s'envole même un peu, retenant de tout son mieux cette nuit qui lentement s'allume. Et c'est beau le cri des femmes qui râlent à l'aube au pas des portes, aux amants qu'elles chassent et qui emportent les heures mortes dans leur lit. Et c'est beau le son des ferrailles qui racle à l'aube les pas de portes des lits, dont on sait qu'ils emportent les heures mortes dans nos délits. Et même si leur voix tremble un peu dans le lit qu'ils regagnent, c'est d'avoir peur d'une compagne qui lit d'un seul geste un aveu. Et si alors que le jour gagne, aucun d'eux ne ferme les yeux, c'est qu'ils se demandent si leur dame, elle aussi, ne tremble pas un peu. Et c'est beau le cri des femmes qui râlent à l'aube au pas des portes, aux amants qu'elles chassent et qui emportent les heures mortes dans leur lit. Et c'est beau le son des ferrailles qui racle à l'aube les pas des portes des lits, dont on sait qu'ils emportent les heures. Oh, papa. Je me suis mise en quatre pour que dalle. J'ai rien fini, mais c'est normal, tu vois. Vu que même toi, t'y croyais pas, papa. Paraît que je fais peur aux garçons. Pourtant, je fais bien attention, je crois. Faut croire que ça suffit pas. La la la la la la la la la la la la la la la. J'en avais par-dessus le cœur de poireauter pendant des heures en bas. Moi, je n'étais pas la plus belle. Je n'étais pas non plus de celle qu'on droit un sourire moins que ça. La la la la la la la la la la la la la la la. Si tu voyais quand je suis sale, quand j'en reveux, quand j'ai la dalle, c'est là que l'on ne me reconnaît pas. Alors je garde ma douleur planquée dans un tas de couleurs, tu vois. Et puis des fois, ça suffit pas. La la la la la la la la la la la la la la la. J'aurais voulu que l'on se tienne et te faire entendre la mienne de voix. Tu sais, je ne suis pas cruelle. Je ne suis pas non plus de celle, je crois. Dans ton rêve, quand on est papa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran. Impossible à Marie de remonter un tir contré de Gambetta. Se sont imposés en vainqueurs de cette promotion nationale. En tête, les trois enfants élevés par la police dans un but éducatif et dans l'esprit du loisir qui est le frère de la production. Nous déclarer bravo les femmes qui ne pleurent pas. Super coupant, 240 coups par seconde. Pour être plus belle, chérie, sois plus belle. Oh chérie, je suis ton président. Mon taux de croissance est supérieur à celui d'un patron de gauche. Car il n'y en a pas de même qu'il n'y a pas d'homme de gauche. Quand il s'agit de femmes, de droite dans la seule patrie existant sur la terre. Patria, patriarca, patriarca, patriarca, patriarca, patriarca, patriarca, patriarca. La maison, comme dit Angèle, il me semble, j'ai tort peut-être, je l'adore, Des amis viennent, je peux les toucher. Je suis triste et émerveillée. Le silence, je garde le silence. J'habite là, je le peux. C'est la dernière maison de la terre. À l'intérieur, il y a des arbres, de l'herbe, des ruisseaux. Dehors, du carreau, des murs, du béton, sur toute la terre. Tu n'as pas froid. La terre va encore se refroidir. Réveillons, réveillons, c'est le réveillon. Réveillons, c'est le réveillon. Réveillons nos soleils. Réveillons nos soleils. Ne suis-je pas prisonnière dans ma propre maison, dans la maison des hommes? Ne suis-je pas prisonnière depuis le jour où la nuit est venue? Geôlier, tu es prisonnier aussi dans une prison. Tout le monde est prisonnier. Patate, mais un geôlier, il ne pense pas à s'évader. Je me tire toute seule. Ou tu viens avec moi, crétin, assassin, pauvre petit. N'appelle pas ta mère. Ta mère, elle est là, c'est moi. Tu l'as trahi pour un militaire complètement dément. Non mais tu te rends compte, il a gagné. Tu es un maton. De toi, de moi, du chaud, du froid, de maintenant. Oublie d'avoir raison et tu comprendras tout. Père, tu ne perdras que ta prison. Tu ne perdras que ta prison. Perds un peu ta raison. Perds un peu ta raison. Je vous déclare la paix. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix d'abord. Elle sera notre enfant. Comme quand on était petit. Tu n'es pas venu pour me tuer. Alors, ne me tue pas. Tu aurais trop peur. Tu aurais trop mal. Tu dois te bâtir des tombeaux blindés. Mais la bombe atomique, c'est toi qui l'as inventée en douille. Écoutez-nous. Croyez-nous, c'est le matin. Le matin, c'est le matin, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est le matin. Demandez le matin. Demandez maintenant. À la question, l'accusé est-il coupable des faits? Le jury a décidé de répondre non. Et comme ils étaient tous allés pique-niquer au bord de la Loire, le procès n'a pu avoir lieu. Les œufs durs se sont transformés en oiseaux qui se sont mis à chanter l'éternité. À la question, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Il a été répondu non. C'était Areski dans la chanson Patriarca et auparavant Carmen Maria Vega dans la chanson Papa. La célébration du 8 mars est devenue une tradition qui nous permet de faire le point sur nos actions et de nous rappeler le sens et l'origine de cette journée. C'est après plusieurs mobilisations, plusieurs grèves d'entreprises pour dénoncer les bas salaires, les mauvaises conditions de travail et pour obtenir l'élimination du travail des enfants, mais aussi le droit de vote pour les femmes, que des travailleuses de l'industrie du textile ont manifesté de nouveau le 8 mars 1908 à New York. Toutes ces actions vont inspirer d'autres femmes du monde entier qui vont se mobiliser à leur tour autour de ces revendications. En 1910, la deuxième conférence internationale des femmes socialistes a recommandé la création de la Journée internationale des femmes. Mais ce n'est qu'en 1914, pour la première fois, que va être célébrée la Journée internationale des femmes dans plusieurs pays d'Europe. Les Nations unies ont pour leur part reconnu la Journée internationale de la femme en 1975. Ici, à Québec, à l'occasion du 8 mars, tout le mouvement des femmes se concerte afin d'organiser des activités mettant en lumière des luttes, les espoirs et les revendications des femmes. Et parlant d'activités, il y a un rassemblement mixte au Parc de l'Amérique française à 10h30 le rassemblement, à 11h le début de la marche, d'une marche funèbre pour montrer les attaques, contester les attaques à nos acquis. À mi-parcours, on va sortir nos couleurs pour une marche de résistance. C'est au Parc de l'Amérique française, en face du Grand Théâtre. Et à Montréal, toujours le 8 mars, il va y avoir un lancement national à Montréal, donc, je l'ai dit, de la marche mondiale des femmes, une marche de femmes de diverses origines, dans le but de démontrer notre solidarité, notre opposition à la destruction sociale et environnementale actuellement en cours au Québec et au Canada. La marche s'intitule « Construisons le monde que nous voulons ». C'est organisé par des femmes de diverses origines. Le 8 mars 2015, demain, donc, à 13h, à la place Normand-Béthune. Ça, c'est au métro Guy Concordia à Montréal. On va écouter Jeanne Chéral dans la chanson « Femme debout ». Et ensuite, les reines prochaines, « Lève-toi, ma sœur malade ». Comme un rocher qui dure sous les gifles du sel, comme un arbre solide sous les trombes d'eau, comme un fruit qui mûrit après des nuits de gel, une plaine asséchée qui retrouve de l'eau. Enfants qui restent, comme un sursaut de rage de vivre malgré tout, comme une force vive dans les plus petits gestes, une promesse tenue, une promesse de fou. Plus vivant. sont tombés, leurs genoux sont roux. Chut! Et voilà! Crie le mal dans l'univers. lève-toi, ma soeur malade. Danse rente, aie confiance. Wenn ich was schaffe, läuft alles krumm. Wenn ich was wage, mach ich ganz dumm. Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Ok, je te donne 3 secondes pour Laurence, m'expliquer. Pour vrai. 3, Laurence, 2, ah, c'est pas rapport. 1. Voyons, Laurence, tu capotes bien raide, là. Moi, je capote. Moi, je capote, sérieux. Ben oui. Hey, t'es pas capable de me dire il est où mon bébé, puis moi, je capote. Regarde, on va se calmer, là. Moi, je me calmerai pas. Je pars une fin de semaine à New York. Je te laisse Julie 2 jours, pas 1000, là. Puis quand je reviens, tu sais pas est où. Attends, wow, sérieux, calmos, calme-toi. Que je me calme. Ok, je le sais que t'es fâché, mais c'est un chien, ça arrive. Julie, tragédie canine. Une coproduction du collectif du Vestiaire et de Nuages en pantalon Compagnie de création, présentée à premier acte du 24 février au 14 mars. Billets en vente sur lepointdevente.com. Je suis passé par l'art des animaux après le boulot pour acheter un jouet intelligent pour Capitaine Jack. Tu sais, la boutique, c'est la première avenue? Ouais. Elle m'a dit, votre chien, il a pas un système développé pour digérer du blé ou des céréales. Même chose pour les chats. Mais on donne déjà ce qu'il y a de mieux au Capitaine. C'est ça que j'ai dit. C'est quoi l'alternative? Si on donne la bouffe adaptée, Capitaine aura moins besoin de manger, fait que ça va nous coûter moins cher de bouffe. Puis il donne 10% de rabais aux membres de ses KRL. Oh, c'est super, ça! L'art des animaux, une conscience différente. 2924 Première Avenue, Québec ou artdesanimaux.com. Le groupe de Simplicité volontaire de Québec et le Théâtre Complice présentent une causerie avec Henri-David Thoreau, premier écologiste politique ayant inspiré Gandhi, Martin Luther King et Mandela. Une lecture et discussion sur 3 œuvres majeures de Thoreau, La désobéissance civile, Walden ou La vie dans les bois et La vie sans principe. Une mise en lecture et animation par Denis Lavallou avec la collaboration de Jean-François Blanchard et Marcel Pomerleau. Une causerie avec Henri-David Thoreau, lundi 16 mars, 19h30 à premier acte. Billets disponibles au coût de 20$ sur lepointdevente.com. Le Radioton de CKRL aura lieu du 27 au 29 mars prochain. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Procurez-vous votre carte de membre de 25$ ou faites un don de 20$ et plus avant le 27 mars, 17h, et courez la chance de gagner le prix pré-Radioton de 150$ de la boutique Le Pédalier et le prix spécial Membership de Sillon le Disquaire d'une valeur de 150$. Pour renouveler votre carte de membre ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h ou par Internet avec le service sécurisé PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. C'est la deuxième partie de l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Michel Monnette au micro. Une émission entièrement musicale cette semaine. Et on va poursuivre cette émission musicale, cette émission de différentes femmes, différentes paroles de femmes À l'occasion du 8 mars, en fait c'est demain le 8 mars évidemment, on prend un peu d'avance ici là, n'est-ce pas? Et juste pour vous dire qu'au Québec, c'est à partir de 1971 que la Journée internationale des femmes a commencé à être célébrée par une campagne nationale. À l'époque, en 1971, c'était à l'occasion d'une campagne nationale pour le droit à l'avortement qui avait été lancée par le Front de libération des femmes. Depuis ce temps-là, qu'il y a chaque année des activités organisées par des groupes de femmes, des syndicats, des groupes communautaires. Et toutes ces activités ensemble font de la Journée internationale des femmes une manifestation annuelle, une occasion annuelle de réfléchir à la condition des femmes et de réfléchir aussi à la façon de faire avancer la cause des femmes, de faire en sorte que l'égalité devienne enfin une réalité. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, n'est-ce pas? Mais si on s'y met tous ensemble, hommes et femmes, on devrait parvenir à un monde où l'égalité est réelle. Il y a entre autres toute la question du sexisme ordinaire qui est un champ énorme de bataille. On poursuit avec Michel Bernard dans la chanson « Les petites filles ». Les petites filles bien élevées ont appris à ne pas déranger. Souriantes, polies, bien coiffées, elles serrent les genoux sur le canapé. Leurs petites mains sont très agiles, fines comme l'aiguille et le fil. Leur chambre est un jardin japonais, rien leur fait peur, tout les fait pleurer. La vie en rose et en ruban dans l'ombre bleue des mamans. Dans ta boîte de coton bien à l'abri des émotions. Tes colères sont des caprices et ta violence artifice. Et si tu laisses tout traîner, tu es un garçon manqué. Mais les fleurs, les poupées leur font plaisir. Le moindre regard les fait rougir. Comme les princesses de leur roman, elles rêvent en secret d'un prince charmant. Elles se voient actrices, hôtesses de l'air. Elles seront sages-femmes ou secrétaires. Elles ont déjà l'instinct maternel. Elles mettent la table et font la vaisselle. La vie en rose en tablier dans l'ombre bleue de l'évier. Dans ta boîte de savon bien à l'abri des tentations. On t'offre des rêves à bas prix comme autant de panoplies. Tu les trouves trop étriqués, tu es un garçon manqué. Les petits garçons sont plus malins. D'ailleurs, le monde leur appartient. Ils aiment courir un peu partout et rentrent le soir des croûtes aux genoux. Ils trouvent les filles un peu bécasses et se moquent d'elles quand elles passent. Ils se battent et disent des gros mots et ne pleurent jamais comme leurs héros. En rose, en bleu, petits enfants qui deviendraient dans 20 ans. Hommes et femmes si bien dressés et savamment polissés. Les rôles qu'on vous a appris entre la peur et le mépris. Les jours et vous sans rien dire pour le meilleur et pour le pire. La vie en rose et en souci dans l'ombre bleue du crédit. Dans vos boîtes de béton, à l'abri des révolutions. C'était Michel Bernard, les petites filles. Si vous voulez en savoir davantage sur les diverses activités qui ont lieu le 8 mars, si vous voulez en apprendre davantage sur l'origine du 8 mars, si vous voulez lire des documents de réflexion autour de la question de la condition féminine, bon, évidemment, il y a plusieurs sites où vous pouvez vous rendre. Les sites de syndicats, entre autres, mais il y a un endroit qui est fort intéressant, c'est le site du Conseil du statut de la femme du Québec, csf.gouv.qc.ca. Vous allez trouver facilement à partir de la page d'accueil, la page qui est consacrée au 8 mars, Journée internationale des femmes, par le Conseil du statut de la femme du Québec. Et vous allez y apprendre toutes sortes de choses, les activités publiques du Conseil, entre autres, les publications le webzine, la Gazette des femmes du Conseil du statut de la femme, aussi ce qui se passe du côté du collectif du 8 mars, le calendrier des activités autour du 8 mars. Et ce qui est intéressant aussi à la fin, c'est un lien vers le site de l'ONU Femmes, le message de la directrice exécutive de l'organisme ONU Femmes. C'est Mme Fumzi Miambo Nguka. Ce message a été diffusé à l'occasion de la Journée internationale des femmes 2015. Le message, donc, 2015. Je vais vous lire un extrait de ce message. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous exhortons nos pays à franchir le pas en faveur de l'égalité des sexes et à réaliser des progrès concrets d'ici à 2020. La parité entre les femmes et les hommes doit être instaurée avant 2020 afin que nous évitions la trajectoire de progression lente qui condamne un enfant né aujourd'hui à attendre 80 ans avant de vivre dans un monde équitable. C'est entre autres ce qu'a déclaré la directrice de ONU Femmes. Cette année, ONU Femmes met l'accent sur la déclaration et le programme d'action de Beijing. C'est une feuille de route qui a été signée par 189 gouvernements il y a 20 ans, un véritable programme d'action pour la réalisation des droits des femmes. On poursuit en musique avec Anne Sylvestre, la reine du créneau. Quand j'ai eu mon permis tout neuf, du premier coup, c'est pas du bluff, je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. Tout simplement, on m'imagine dans ma deux chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière! Ah, je vous jure, les nanas, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernaud, ils m'ont fait rater mon créneau. Toutes les automobilistes pourraient faire avec moi la liste des âneries que l'on entend quand on est au volant. J'ai donc appris à leur répondre et de manière à les confondre. Oui, ça consomme, mais moins qu'un mari, et c'est bien plus gentil. La conduite, je l'ai apprise, et pas dans une pochette surprise. La voiture est à moi, ni à Jules, ni à papa. Et quand le long d'un trottoir, je les voyais goguenards, je demandais sans un frisson, vous voulez une leçon? Pour conjurer la parano, je suis devenue la reine du créneau. On s'habitue, on en rigole, puis on a une grosse bagnole. Alors on se fait insulter, elle t'a pas trop coûté, hein? Ils sont là qui vous collent aux fesses, parce que c'est pas une gonzesse qui va leur barrer le chemin. La veille, c'est pas demain. Mais tous ces doubleurs à droite, ces pousse-toi de là que je déboîte, maniaque de l'appel de phare, abuseur d'anti-brouillard, ce chez qui rien ne distingue, le volant avec un flingue, avant que de les laisser nous jeter dans le fossé. Résistons à ces tyrannos, nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau. C'était Anne Sylvestre dans La Reine du créneau. On va maintenant écouter la Brigitte dans Les filles ne pleurent pas, mais auparavant, on va écouter Coxie dans une chanson qui s'intitule Le prince charmant. On m'avait dit, le prince charmant arrivera, ne t'en fais pas, il y en a un pour toi. On m'avait dit, tu te marieras et tu vivras heureuse dans ses bras, ton tour viendra, ne t'en fais pas. On m'avait dit, petite coccinelle, l'amour est éternel. On m'a raconté des tas de conneries auxquelles croient les petites filles. On m'a pas dit que le prince était un lâche, que l'amour ça s'arrête et qu'on a le cœur qui s'arrache. On m'a juste dit ne t'inquiète pas, je savais pas qu'il fallait faire tous les royaumes de l'Occident. On m'a fait croire qu'on le trouvait par accident. On nous fait rêver avec des contes de fées qui n'arrivent jamais. Général, coup de bluff, regarde-moi. moi. Baisse les yeux, je fais le poil, les filles ne pleurent pas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, je suis un garçon comme les autres. Je crains rien, je suis un garçon comme les autres. Avec ou sans rien dans, c'est un garçon comme les autres. Mais est-ce que ça pleure les garçons comme les autres? Baisse les yeux, je fais le poil, les filles ne pleurent pas. Un coup d'œil, un coup d'œil, je regarde moi. Baisse les yeux, je fais le poil, les filles ne pleurent pas. Ah, ah. C'était Brigitte dans Les filles ne pleurent pas, une chanson qui prend à contre-pied la maxime voulant que les garçons, ça ne pleure pas. Et auparavant, c'était Coxie dans Le prince charmant. J'imagine que ça a dû faire réagir certaines d'entre vous. Cette espèce de mythe qui persiste, il y a encore beaucoup de filles hein, aujourd'hui qui recherchent le prince charmant. C'est fait partie des choses sur lesquelles il faut réfléchir à l'occasion du 8 mars, mais aussi tout au long de l'année, évidemment. On va poursuivre avec Mylène Farmer, Sans contrefaçon. Dis, maman, pourquoi je suis pas un garçon? Sous-titrage Société Radio-Canada.

À 19h, vous êtes conviés à assister à la projection de 8 courts-métrages réalisés par des cinéastes femmes. Plusieurs réalisatrices seront sur place pour échanger et discuter avec le public après la présentation. Un rendez-vous au Musée de la civilisation de Québec, dimanche le 8 mars, dès 18h. 418-523-1275. Pour commencer votre journée bien informée, écoutez les Matins éphémères du lundi au vendredi de 7h à 9h avec Caroline Stephenson. Les Matins éphémères sont une présentation de la boîte à pain Café Napoli. Des boulangers et des cuisiniers passionnés qui préparent chaque jour avec un plaisir renouvelé des pains artisanaux, des viennoiseries, des sandwichs et des pizzas de qualité supérieure. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e avenue Limoilou et le 289 Saint-Joseph Est. boiteapain.com. Pour une troisième année, la Ligue québécoise L'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 28 mars 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise L'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Salut, c'est Tyr le Coyote, parrain d'honneur du Radioton 2015 de CKRL. Soyez prêts à vivre une révolution tranquille les 27, 28 et 29 mars prochains. Studio de Limoilou, CKRL présente le Geek Contre-Attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent